L'écolier. Un tout petit enfant s'en allait à l'école. On avait dit « Allez !» Il tâchait d'obéir. Mais son livre était lourd, il ne pouvait courir. Il pleure et suit des yeux une abeille qui vole. « Abeille, lui dit-il, voulez-vous me parler ?»« Moi, je vais à l'école, il faut apprendre à lire. Mais le maître est tout noir et je n'ose pas rire. Voulez-vous rire, abeille, et m'apprendre à voler ?»« Non, dit-elle, j'arrive et je suis très pressée. » J'avais froid, l'aquilon m'a longtemps oppressé. Enfin j'ai vu les fleurs, je redescends du ciel, et je vais commencer mon doux rayon de miel. Voyez, j'en ai déjà puisé dans 4 roses. Avant 1 heure encore, nous en aurons décloses. Vite, vite, à la ruche, on ne rit pas toujours. C'est pour faire le miel qu'on nous rend les beaux jours. Elle fuit et se perd sur la route embaumée. Le frais lilas sortait d'un vieux mur entr'ouvert. Il saluait l'aurore, et l'aurore charmée se montrait sans nuages et riait de l'hiver. Une hirondelle passe. Elle effleure la joue du petit nonchalant qui s'attriste et qui joue. Et dans l'air suspendu, en redoublant sa voix, fait tressaillir l'écho qui dort au fond des bois. « Oh, bonjour !» dit l'enfant qui se souvenait d'elle. « Je t'ai vu à l'automne. Oh, bonjour, hirondelle !»« Viens, tu portais bonheur à ma maison. Et moi, je voudrais du bonheur. Veux-tu m'en donner, toi ? Jouons !» « Je le voudrais, » répond la voyageuse, « car je respire à peine et je me sens joyeuse. Mais j'ai beaucoup d'amis qui doutent du printemps. Ils rêveraient ma mort si je tardais longtemps. Non, je ne puis jouer. Pour finir leur souffrance, j'emporte un brin de mousse en signe d'espérance. Nous allons relever nos palais dégarnis. L'herbe croît, c'est l'instant des amours et des nids. J'ai tout vu. Maintenant, fidèle messagère, je vais chercher mes sœurs là-bas sur le chemin. » Ainsi que nous, enfants, la vie est passagère. Il faut en profiter, je me sauve, à demain. L'enfant reste muet. Il a tête baissée, rêve et compte ses pas pour tromper son ennui. Quand le livre importun, dont sa main est lassée, rompt ses fragiles nœuds et tombe auprès de lui. Un dogue l'observait du seuil de sa demeure. Stentor, gardien sévère et prudent à la fois, de peur de l'effrayer, retient sa grosse voix. « Hélas, peut-on crier contre un enfant qui pleure ?»« Bon dogue, voulez-vous que je m'approche un peu ?» dit l'écolier plaintif. « Je n'aime pas mon livre. »« Voyez, ma main est rouge, il est en cause. »« Au jeu, rien ne fatigue. On rit, et moi je voudrais vivre sans aller à l'école, où l'on tremble toujours. »« Je m'en plains tous les soirs, et j'y vais tous les jours. »« J'en suis très mécontent. Je n'aime aucune affaire. »« Le sort des chiens me plaît. » car ils n'ont rien à faire. Écolier, voyez-vous ce laboureur au champ ? Eh bien, ce laboureur, dit Stentor, c'est mon maître. Il est très vigilant. Je le suis plus, peut-être. Il dort la nuit, et moi, j'écarte les méchants. J'éveille aussi ce bœuf qui, d'un pied lent, mais ferme, va creuser les sillons quand je garde la ferme. Pour vous-même, on travaille, et grâce à vos brebis, votre mère en chantant vous file des habits. Par le travail, tout plaît. Tout s'unit, tout s'arrange. Allez donc à l'école, allez, mon petit ange. Les chiens ne lisent pas, mais la chaîne est bourreux. L'ignorance toujours mène à la servitude. L'homme est fin, l'homme est sage, il nous défend l'étude. Enfant, vous serez homme et vous serez heureux. Les chiens vous serviront. L'enfant l'écouta dire, et même il se baissa. Son livre était moins lourd. En quittant le bon dogue, il pense, il marche, il court. L'espoir d'être homme un jour lui ramène un sourire. À l'école, un peu tard, il arrive gaiement. Et dans le mois des fruits, il lisait couramment.